Chapitre 31e. Le jour où Cerise, guidée par la traîtreuse lettre de Baccarat, s'était rendue rue Serpente, et de là avait été conduite par Collard dans la maisonnette de Bougival, la jeune fille avait passé vers 4 heures de l'après-midi dans la rue Chapon et s'était arrêtée à la porte de M. Gros, l'ébéniste. Tout aussitôt, Léon Roland était sorti et venu à elle, son bon et amoureux sourire aux lèvres. « Bonjour, Cerise, lui avait-il dit en lui prenant la main. « Bonjour, Léon. » avait répondu Cerise. « Ma bonne petite Cerise, » continua l'ouvrier, après avoir serré la main de sa fiancée, « j'ai le cœur tout gros. »« Vous, » dit Cerise, « vous avez du chagrin. »« Oh, » dit-il en souriant, « il ne m'arrive pourtant pas malheur, mais j'ai si bien pris l'habitude de vous voir quelques minutes tous les jours que je pense avec épouvante que je ne pourrai pas demain. »« Et pourquoi ?» demanda-t-elle avec émotion. « Le patron m'envoie à Montmorency livrer des meubles et les placer. » Il y a un tas de bricoles à faire qui me prendront la journée et la matinée du jour suivant. Oh, dit Cerise, c'est bien ennuyeux. J'ai bonne envie de prier le patron d'y aller lui-même, mais je n'ai pas osé. Il faut se tenir bien dans l'esprit de ceux qui vous font travailler. Vous avez raison, Léon. Tout de même, ça me coûte, allez. Et vous reviendrez après-demain soir? Oui. Eh bien, dit Cerise en souriant, vous viendrez à la maison. Nous passerons un bout de soirée ensemble. De cette façon, nous regagnerons le temps perdu. Et Cerise envoya son meilleur sourire, montra ses dents blanches à son fiancé et lui serra la main en le quittant. « Après-demain, » dit-elle. Le lendemain, en effet, Léon Roland alla à Montmorency, y passa la journée et y coucha. Puis, le jour suivant, il fut de retour vers midi et se rendit à son atelier, attendant avec impatience que l'heure d'aller chez Cerise arrivât. Vers 8 heures, il grimpait lestement les 6 étages de la fleuriste et frappait à la porte de la petite chambre, bien qu'il n'eût vu filtrer aucun rayon de lumière à travers ses ailes mal joints. Cerise ne répondit pas. Léon frappa de nouveau. Même silence. Il pensa que la jeune fille était descendue pour chercher quelque chose, du bois ou de la lumière, et l'attendit sur la dernière marche de l'escalier. Mais 1 heure s'écoula. Cerise ne revenait point. Alors, perdant patience, l'ouvrier descendit et passa sa tête dans le carreau de la loge. « Mademoiselle Cerise n'est donc point chez elle ? » demanda-t-il. « Mademoiselle Cerise ? » fit la concierge. « Ah, c'est vous, monsieur Léon ? » ?»« Oui, madame. »« Eh bien, voilà 2 jours que je ne l'ai vue, mademoiselle Cerise. »« Comment 2 jours ?» s'écria Léon. « Que voulez-vous dire, la mère ?»« Dame, monsieur Léon, je dis la vraie vérité. Avant-hier, j'ai vu Fanny, vous savez, la bonne de madame Baccarat. »« Eh bien, » fit l'ouvrier, donnant soucieux à ce seul nom, car il redoutait la perverse influence de la vierge folle sur sa jeune sœur. « Faut croire, » poursuit la portière, tout à fait au courant des affaires de la famille de Cerise, « faut croire qu'il est arrivé quelque histoire à la belle dame ou à sa mère, que l'une ou l'autre était bien malade, car la bonne avait un air tout drôle, et mademoiselle Cerise est sortie tout de suite avec une figure chagrinée. Depuis avant-hier, je ne l'ai pas revue. » Léon n'en entendit pas davantage, il prit ses jambes à son cou et courut rue Moncey à l'hôtel de Baccarat. Mais là, une nouvelle surprise l'attendait. La grille de l'hôtel, les fenêtres, les portes, tout était hermétiquement clos. Il sonna à plusieurs reprises, on ne vint point lui ouvrir. Enfin, au coin de la rue Blanche, un commissionnaire, couché sur son crochet et fatigué de voir le jeune homme sonner inutilement, se leva et vint à lui. « Il n'y a personne, » dit-il. « Comment personne ? » ?»« Non. Cette dame qui demeurait là, je la connaissais bien, moi, et je lui ai souvent fait les courses. « Eh bien, elle est partie. »« Partie ?» s'écria Léon. « Oui, d'hier matin. Et la mère, les domestiques, tout affilée d'aujourd'hui. Mais c'est impossible, » s'écria Léon hors de lui. « Et où est-elle allée ? » ?»« Je ne sais pas. » dit le commissionnaire. Léon perdit la tête et s'imagina que Baccarat avait enlevé sa sœur pour la livrer à quelque débauché. Il poussa un rugissement de bête fauve et, ne sachant ce qu'il faisait, n'ayant plus conscience de ses actions, il regagna machinalement la rue Bourbon-Villeneuve, espérant que sa mère lui pourrait donner des nouvelles de Cerise. La paysanne n'avait point vu Cerise depuis 2 jours. De chez sa mère, Léon retourna rue du Faubourg du Temple. Cerise n'avait point reparu. Alors il courut à son atelier et s'adressa à son patron qui venait de se mettre au lit et lui demanda conseil. L'ébéniste était un homme sage et froid. Il calma le désespoir de son ouvrier, lui persuada que sa fiancée était sans doute à la campagne avec sa sœur et lui promit, au surplus, de l'accompagner le lendemain au commissariat de police du quartier où il témoignerait avec lui de la disparition de la jeune fille si d'ici là elle n'était point rentrée. Léon Roland se coucha tout vêtu et passa une nuit d'agitation et d'angoisse. Au petit jour, il retourna au bord du temple. Où n'y avait encore aucune nouvelle de Cerise. Alors il courut chez son patron. Celui-ci l'accompagna chez le commissaire. Ce magistrat cueillit la déposition des deux ouvriers, puis ajouta « Les jeunes filles qu'on enlève à Paris sont généralement enlevées de leur plein gré. Cependant, je vais transmettre une note à la préfecture. Revenez dans 2 jours. » « 2 jours ?» C'était à mourir d'anxiété d'ici là. Alors, ne sachant plus où donner la tête, Léon eut la pensée de courir chez Mademoiselle de Balder et de lui demander des nouvelles de Cerise, espérant qu'elle saurait peut-être ce qu'elle était devenue. Or, c'était précisément à l'heure même où Sir Williams quittait Armand et Bastien la porte Maillot et courait à Bougival, où l'attendait Jeanne endormie. Léon ne fit qu'une enjambée du commissariat à la rue Mellet, où une autre scène de désolation avait lieu. Il trouva Gertrude sanglotant. Gertrude s'était endormie, la veille au soir, sur une chaise, et elle se trouvait couchée sur son lit, sans pouvoir se rendre compte de ce qui s'était passé. Elle se leva et frappa la porte de Jeanne. Jeanne ne répondit pas. Alors elle entra, pensant que la jeune fille dormait. La chambre était vide et le lit non foulé. Jeanne avait disparu. Sur le petit pupitre où Jeanne écrivait, se trouvait une lettre toute ouverte. Gertrude la lut en tremblant et poussa un cri. « Jésus-Dieu !» murmura-t-elle en chancelant et joignant les mains. « Mon enfant est perdu !» Or, voici ce que contenait cette lettre qui était signée Jeanne, et dont l'écriture, tant elle était merveilleusement contrefaite, semblait être celle de la jeune fille. « Ma bonne Gertrude, quand tu t'éveilleras, tu ne trouveras plus ta petite Jeanne auprès de toi. Je serai parti. Parti pour un temps que je ne puis préciser et pour un lieu que je ne puis te dire. Or, sais-tu pourquoi je pars ? Je pars pour fuir un homme que j'ai cru aimer et que je n'aime pas, monsieur le comte de Kergaz. Je pars pour suivre l'homme que j'aime et que je ne puis nommer. Pardonne à ta petite Jeanne qui t'aime et s'éloigne, le cœur bien gros. » À la lecture de cet étrange billet, la vieille servante a vu le vertige et s'était demandé s'il ne rêvait pas, s'il n'était pas folle. Mais c'était bien l'écriture de Jeanne. Et comment supposer que la jeune fille avait été enlevée et que cette lettre, elle ne l'avait point écrite ? Gertrude n'avait pas même songé à analyser la conduite de sa jeune maîtresse. Elle ne s'était pas demandé s'il n'était pas plus qu'invraisemblable que Mademoiselle de Balder prétendît en aimer un autre que M. de Kergaz, alors que la veille au soir, elle s'était mise à genoux pour prier pour lui. La vieille servante n'avait vu, n'avait compris qu'une chose, c'est que Jeanne était partie, qu'elle ne la reverrait peut-être plus. Et comme Jeanne était son enfant, qu'elle n'aimait qu'elle au monde, Gertrude fondait en larmes et s'arrachait les cheveux, lorsque Léon Roland arriva tout bouleversé lui-même. La douleur de la servante, qu'il trouvait seule, força le jeune homme à imposer un moment de silence à sa propre douleur. « Mon Dieu, lui dit-il, qu'avez-vous, dame Gertrude ? Et où est mademoiselle Jeanne ? Elle est partie. » répondit Gertrude en pleurant. « Parti pour où ? Quand ? Avec qui ? Je ne sais pas, » dit Gertrude, qui tendit à Léon le billet trouvé sur la table. L'ouvrier lut ces quelques lignes avec stupéfaction et la lettre lui échappa des mains. « Tout cela est à rendre fou, » murmura-t-il avec un accent des vêtements profonds. « Cerise aussi est partie. »« Cerise est partie, » demanda Gertrude. « Oui, avec sa sœur, » répondit Léon qui chancelait et tournait sur lui-même semblable à un homme ivre. Et comme il achevait, des pas montaient rapidement l'escalier et sur le seuil de la porte demeurait ouverte, Gertrude et Léon virent apparaître un vieillard et un jeune homme et tous deux jetèrent un cri. « Monsieur de Kergaz !» exclama Gertrude. « L'ouvrier de Belleville !» s'écria Léon, qui reculait tout étourdi de reconnaître en celui qu'on appelait le comte de Kergaz, l'homme qu'il avait secouru dans le cabaret des Vendanges de Bourgogne et qu'il avait appelé camarade. C'était en effet Bastien et Armand qui revenaient et que nous avons laissé à la porte Maillot avec les témoins de Sir Williams. Ce dernier, au moment où il s'éloignait, avait envoyé au comte un éclat de rire si strident et si railleur que M. de Kergaz avait cru reconnaître Andrea tout entier et il avait songé à Jeanne, Jeanne qu'il aimait et que le baronnet lui conseillait de garder avec la vigilance d'un dragon. Armand était remonté en voiture tout pensif, ordonnant au cocher de marcher ventre à terre. Il avait laissé les deux jeunes gens sur le boulevard et toujours poursuivi par ce strident éclat de rire qui retentissait lugubrement au fond de son cœur, il avait dit à Bastien « J'ai un horrible pressentiment. Allons, rue Mellet. » À la vue de Léon consterné, de Gertrude fondant en larmes, M. de Kergaz devina qu'un malheur était arrivé. « Jeanne » dit-il. « Où est Jeanne ?» Léon lui tendit silencieusement la lettre. Armand la lut, la relut en chancelant et s'appuya au mur pour ne point tomber. « Andrea » murmura-t-il. « Tout cela est bien l'œuvre d'Andrea. » C'était Andrea.